Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea, servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. Le directeur général des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean, était de passage sur les ondes de CKJ avec Michel Tifo et Dominique Bolduc pour parler du repêchage qui a eu lieu samedi. On écoute cette entrevue. 12 mois par année. C'est tout près de 12 mois par année. On en discute avec Yannick Jean de son week-end du côté de Québec en fin de semaine. Bonjour Yannick. Bonjour. Es-tu satisfait de tes choix de repêchage? Oui, c'est certain qu'on a tenté le grand coup là, avec deux joueurs qui ont été pris plus loin que où est-ce qu'ils étaient classés au repêchage par les différentes listes de d'autres équipes de la Ligue. Donc oui, on est extrêmement satisfait. Maintenant, on va voir où est-ce que tout ça va nous mener, sauf que ça nous donne quand même là, beaucoup de temps pour travailler, étant donné que ces jeunes-là n'auront seulement qu'avoir 16 ans. Bon, le premier est un défenseur qui s'appelle Oscar Plandowski. Est-ce que tu es confiant à ce que Plandowski opte pour les Saguenay-Chicoutimi? Ben, je ne sais pas. Je te dirais peut-être 50-50, mais le plus important là-dedans, au-delà du fait que oui, s'il joue ici, ça devient un excellent joueur pour nous. C'est la valeur que ce jeune-là a. C'est un des meilleurs défenseurs dans le repêchage. Étant donné qu'il y a des règlements qui permettent là, aux équipes de repêcher des un peu des récalcitrants, comme on appelle, là, des joueurs qui ne veulent pas se rapporter partout. Lui avait déjà fait le savoir là, qu'il était prêt à jouer dans quelques équipes dans notre ligue, là, dans les Maritimes, dans deux ou trois équipes. Donc, quand tu réussis à mettre la main sur un de ces joueurs-là, ben après ça, il y a énormément de valeur. Puis il y a des clubs, justement, là, qui sont prêts à payer cher pour l'amener avec eux. Donc, tu sais, si on va, le plan A, c'est évidemment là, d'essayer de convaincre ce jeune-là. Mais si jamais ça on n'y parvient pas, on pourrait avoir toute la valeur qui va être au-delà d'un choix de 18e tour comme on l'a repêché. Mais la Ligue nous redonnerait un choix également, là, d'un choix de deuxième ronde. Donc, c'est certain qu'on va avoir beaucoup plus que seulement que la valeur du jeune si jamais on est obligé là, de transiger. Alors pour toi, ce serait que Plandowski vienne ici à Saguenay, mais sinon, on va récupérer quelque chose de bon. Exactement. On va récupérer beaucoup plus que la valeur d'un joueur qu'on aurait repêché au 18e. Et pour ton deuxième choix, là, Jacob Guévin, est-ce que c'est le même scénario? Est-ce que lui aussi il est tenté par les collèges américains ou d'autres équipes? Oui, il était tenté, sauf qu'en entrevue, lorsqu'on l'a rencontré, nous avait laissé savoir que c'était dispendieux, puis il tournait pas le dos complètement à la Ligue junior majeure du Québec, puis même plus que ça, il était très intéressé. La première discussion qu'on a vue avec en fin de semaine, c'est extrêmement positif. Les parents, le jeune, étaient très contents. Vont venir ici là, pour visiter en fin de semaine également. Là. Donc, on va avoir l'opportunité justement de vendre notre programme, de bien expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour le jeune au quotidien, puis année après année avec notre organisation. Puis, j'ai bon espoir que ce jeune-là là, se joigne à notre formation. Saguenay, c'est la seule équipe, seule ville dans la Ligue où il y a une grande glace. Est-ce que pour vous autres, là, quand vous choisissez des joueurs comme ça, est-ce que c'est favorable ou si c'est négatif dans les négociations pour amener des joueurs? Non, c'est certain que c'est négatif. Tu sais, les joueurs de premier plan comme ça, c'est le même principe avec les Européens. Tu sais, les Européens viennent ici pour jouer sur une glace nord-américaine. Les agents nous répondent, regarde, on l'amène ici pour jouer sur une glace nord-américaine. On ne veut pas qu'il joue 34 matchs. Il est déjà capable de jouer sur une grande glace. Donc, il y a beaucoup d'agents qui ne veulent pas. C'est pour ça qu'on travaille différemment pour essayer de les amener. Du côté de ces, décider ces premiers choix-là, ben, c'est certain que ça ne nous aide pas. Mais il faut essayer de faire les affaires différemment que d'autres. Mais définitivement, ça serait plus facile avec une glace normale. Yannick Jean a réclamé plusieurs joueurs de la région. Est-ce que c'était dans ton plan de match? Oui, parce que ce qu'on trouve, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs pareils. Il n'y avait pas nécessairement de joueurs qui se démarquaient des autres. Ceci étant dit, s'il y en a un à travers le chemin qui, on dit qu'il pop out, on l'a dit, qui se développe et qui devient dominant, ben, on a plus de chances que ce soit un des nôtres, étant donné la quantité qu'on a pris là, au total. Tu as même repêché ton garçon Marek. Est-ce que lui, il est content d'être repêché par l'équipe de son père? Oh, ben, ça aurait aimé mieux. Peut-être que ça lui met de la pression. Est-ce que tu penses que ça lui met de la pression? Non. Pas du tout. C'est un jeune pour qui l'école est extrêmement importante. Puis, tu sais, il pratique déjà à l'occasion pour nous dépanner avec nous. Comme ça, là, ça rend les choses juste officielles. Tu sais, quand tu grandis dans ce monde-là, dans le hockey, souvent tes parents, puis c'est le même principe pour Félix Abraham, tu sais, tes parents sont absents souvent, puis on manque beaucoup de choses. Je pense que ces jeunes-là grandissent à l'intérieur de l'organisation. C'est pas un grand changement pour eux, c'est seulement que de le rendre officiel. Tu as fait un échange, Jérémy Diotte a été échangé au début de la fin de semaine, mais je pensais qu'il allait y avoir d'autres échanges, d'autres transactions. Ça a avorté ou tu t'es arrêté à un moment donné? Non, on était sur une grosse transaction. On avait une entente avec une autre formation. C'est un joueur d'impact qui s'en venait chez nous. Puis le joueur là, en question a refusé de lever sa clause de non-échange. Donc, il ne voulait pas aller à nulle part autre que la formation. Il a dit qu'il voulait attendre les fêtes avant d'être transigé. Donc, tu sais, lorsqu'un joueur a cette clause-là, on peut pas faire autrement que respecter ça. Maintenant, on va se reprendre là. On va se l'essayer au camp d'entraînement, mais sinon à la période des fêtes. On a fait le nécessaire. On avait une entente avec le club. Donc moi je considère que nos devoirs ont été faits. On a fait la bonne chose. Maintenant, on peut pas obliger une formation à échanger un joueur. Mais on était dans tous les dossiers. Puis il y a aucun joueur à laquelle on était intéressé, qui a été transigé. Je pense que c'est vraiment ça la clé à retrouver. Hey Yannick, démêle-nous un petit peu, là. La fameuse échange qui n'a jamais fini, puis je ne suis même pas certain que c'est fini, là. Galipo, puis Roupsoff, puis Dobson, puis là, ça fait des Graffin, Larvé Pinard. Es-tu fini, cet échange-là? Es-tu fini? C'est sûr, c'est difficile à dire. Il y a peut-être, là, il pourrait peut-être avoir des choses là, dans le futur également, mais pour l'instant, là, c'est tel qu'elle est. OK, tel qu'elle est. Tu as nommé Raphaël Harvey-Pinard capitaine des Sags. Je pense que c'est un naturel. Il a gagné la coupe avec Lioski comme capitaine. Alors, c'est un naturel que vous le nommiez capitaine des Sags? Oui, il représente nos valeurs à la perfection. C'est un jeune d'ici, mais au-delà de tout ça, c'est un leader naturel. C'est quelqu'un avec une prestance incroyable. Puis, tu sais, j'avais aucun doute. On n'avait aucun doute. Puis, je suis obligé de te dire qu'à le regarder aller lors de la réception, on a fait un 5 à 7 pour accueillir les nouveaux joueurs avec leurs parents après le repêchage. Puis, à le voir se promener à travers les parents puis à travers les jeunes pour leur souhaiter la bienvenue, pour leur dire s'ils ont quoi que ce soit, de lui parler, ces choses-là. C'était incroyable. J'ai rarement vu un jeune de 20 ans aussi mature, puis être capable de faire avoir une prestance comme ça, puis d'avoir un charisme de même. C'est quelque chose. Mettre ce jeune-là capitaine, pour nous, c'était vraiment là, un no-brainer, comme on dit. C'était un automatique. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres échanges cet été? Oui, définitivement. On regarde pour... du renfort à la ligne bleue. On ne voulait pas précipiter les choses, on voulait faire les choses là, dans le bon ordre, mais oui, il va y avoir d'autres transactions d'ici la date limite de la prochaine date de transaction là, qui va avoir lieu au mois d'août là, durant le camp d'entraînement. Bon, on va se reparler peut-être d'ici le camp d'entraînement. Yannick, bon été, repose-toi bien, puis tu dois avoir hâte que ça commence, parce que là, les deux prochaines saisons, deux, trois prochaines années, Vous allez avoir un méchant bon club? Oui, on commence. Là, on trouve que ça fait un petit bout. On commence à avoir hâte, mais on va recharger les batteries comme il faut. Il reste encore le repêchage de Ligue nationale la semaine prochaine et le repêchage européen par la suite. Donc, on va terminer ça avant de prendre peut-être quelques semaines de vacances et être fin prêt là, pour l'eau du camp. On se reparle bientôt, Yannick. Bon été. Merci à vous. Merci Yannick Jean, l'instructeur et surtout directeur général. Oui. Parce que là, en fin de semaine, il était